totally random. Yes. It's gonna be on A minor. get my me, there's no drones up in the sky. Protège les faibles, tu es maintenant. passer un temps. Surtout vous donner à manger tant pour consommer. Il faudrait mieux essayer d'organiser pour partager. Mais si jamais tu voulais aider ceux qui se présentent, mais si jamais tu voulais aider, tu sais l'élan de solidarité. Solidarité, moi j'ai envie de faire un pont, tu sais. Sur la Méditerranée avec le plastique récupéré, j'aimerais faire une échelle grande, grande. J'aimerais faire une passerelle grande, grande. Si on pouvait récupérer tout le plastique pour en faire un îlot, tu sais, un endroit magique, tu sais, un truc qui recrée le sud, le nord, tu sais, un truc pour contrer toutes les tourelles, toutes les armées. Si tu veux venir, ouais, tu sais que je vais t'aider. Tu sais que je vais t'aider. Je vais pas te laisser te noyer. Ah oui, I could grab all plastic on the seas to make a pass road, to make a bridge, to make connection. South, north. I wanna help everybody wanted to cross. I wanna help everybody to cross the world, to cross the sea. Let's build some bridges. Another guy come back and make something about it. Come with your big ladder to the sky, to the moon. Evolution. Par l'orage qui approche, obligé de prendre position. T'as un casque, mec, et tout le monde dit qu'il faut que tu mettes un casque, hein, quand même. Ouais, mais ma prise casque est cassée. Je vais baisser mon micro. les enceintes. Baisse pas ton micro. Je m'entends encore, tu peux encore baisser. Voilà, après j'entends plus. Au pied du volcan, nous dansons. Du volcan, nous chantons. Give me your hand, give me your hand. Oh yeah. Toi qui viens d'un pays où les âmes sont. Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays. Non, c'est génial, mec. Les amis. Les filles qui ont la peau douce, la vendent pour manger. Qui vient d'un pays. Les âmes sont beaux. Toi qui viens d'un pays. Donne-moi ta main, camarade. Donne-moi. Car bientôt, nous danserons. Camarade. Bientôt, nous nous embrasserons, camarades. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont, où les âmes sont belles, les oiseaux, les cascades. Donne-moi. parler. Tombant comme Alice, chasing the white rabbit in Wonderland. What time is it? On the other side, chasing of the mirror, white rabbits. What time is it? Like Alice, si tu veux pas que ton fils glisse. Full of show. Et ton fils, surtout dans le banlieue clair, j'ai oublié les Molières dans le désert urbain. Maître reine de la 16. We love you, Polka. Words. Got to be a mama, be a mama.